cherche les mots qui pourraient me survivre. Cette phrase qui reste plus solide que soi-même. Je ne suis que de chair et de cendre. Et cette pierre qui porte l'épitaphe d'une couleur si sombre qu'elle fait taire le temps, pourrait pour une fois raconter autre chose qu'une gloire, qu'un espoir, qu'un regret. Alors, cortège ou pas, marche funèbre ou rock, ceux qui viendront me voir recevront comme un choc. Car j'aurai le sourire aux lèvres. Pleurer sur l'absolu ou rire de son néant, ce choix qui n'est offert qu'aux faibles et aux chanceux, que la foi a aidé à se mentir. J'aurai dans cette vie la seule qui soit donnée, paraître un côté et préserver un autre, de telle sorte qu'en visite mes derniers importuns pourront choisir eux-mêmes soit Janus, soit son hôte. Alors, cortège ou pas, marche funèbre ou rock, ceux qui viendront me voir recevront comme un choc, car j'aurai le sourire aux lèvres, le sourire aux lèvres. Le sourire aux lèvres, le sourire aux lèvres.